Ah ouais? Non mais tu préfères emprunter de l'argent à ta banque ou tout miser sur la pétanque? T'as raison, je vais voir sur banquebcp.fr et contacter ton conseiller. Il va sûrement pouvoir m'aider à financer mes études. Banque BCP. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Banque BCP. Fabien Dumas présente Côté Association, une émission consacrée aux associations locales, le jeudi de 14h à 15h sur Radio Arc-en-Ciel, 96.2 FM. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Arc-en-Ciel, il est 14h, passé de 5 minutes, bienvenue dans l'émission Côté Association numéro 39 si je ne m'abuse. Et aujourd'hui je reçois l'association Coupe Faim, Coupe Froid, et j'ai dans les studios avec moi deux personnes très souriantes, ça fait plaisir. Donc j'ai Tineni et Imad. Bonjour Tineni, bonjour Imad. Bonjour Fabien. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien et toi? Bon, niveau technique ça marche, c'est bon? Parfait. On s'entend? Tout est ok. Nickel. Alors, pour démarrer, peut-être, on va passer à peine une heure ensemble parce que je crois que vous avez des obligations professionnelles après. Donc, on va passer un petite 40 minutes ensemble. C'est ça, oui. Donc, peut-être pour commencer, je vous laisse 2 minutes pour vous présenter, en gros, aux auditeurs et auditrices d'Arc-en-Ciel pour savoir à qui ils ont affaire pendant cette heure-ci. Alors, je vais commencer. Moi, c'est Tineni. J'ai 29 ans. Je suis président de l'association Coupe Faim, Coupe Froid depuis le début de la création. Ok. Donc moi c'est Imad, 27 ans, habitant du quartier de l'Argonne, et je suis aussi bénévole depuis le début de la création de l'association. Et toi Imad, à part être bénévole, tu as d'autres fonctions dans l'association? Parce qu'on a un président, mais tu as un poste dans l'association? Oui, je suis aussi dans une association en parallèle, Passe Emploi Service, où je suis référent de volontaire en service civique tous les D'accord. ans. D'accord, donc bien engagé dans la vie associative. Oui, je m'arrêtais là parce qu'il y en a d'autres. Il y en a d'autres encore. T'es multicasquette. Est-ce que, donc bah, peut-être Tineni, est-ce que toi tu avais d'autres expériences dans d'autres associations dans le passé, avant de monter Coupe Faim, Coupe Froid? Non, c'était la première association qu'on a montée. Je suis cofondateur de l'association qui a été créée en 2014 par moi-même et mon ami Aaron Kunjo. Ouais. Et voilà, on n'avait pas du tout d'expérience dans ce domaine-là, on a tout appris dans le temps. Très bien. Donc on va peut-être... Le siège social de l'association, il est situé dans quelle ville? À l'Argonne. À l'Argonne? À l'Argonne, à Orléans, c'est ça. C'est là que tout part? C'est là que tout a commencé, c'est là que, avec une bande d'amis, on a commencé à discuter, à parler des problèmes qu'il y avait sur Orléans, des problèmes qu'on pouvait régler nous-mêmes, et on a décidé de se mettre en association pour justement pallier à ces problèmes-là. Alors, coupe faim, coupe froid... C'est quoi l'idée qui vous mène à créer l'association? C'est un constat que vous faites, vous, dans le quartier, ou avec des échanges avec d'autres personnes, ou c'est quoi? Déjà, pour expliquer le but de l'association, Coupe Faim, Coupe Froid, le but, c'est d'aider les personnes en situation de précarité en leur offrant des repas, en leur offrant un coup de main, des habits, vraiment tout ce qui est lié à la difficulté que les gens ils peuvent engendrer. Et ensuite, nous, on essaie d'y répondre du mieux possible. On a monté plusieurs actions, justement, pour y pallier. Et ça a commencé de là. On a vu qu'il y avait des personnes qui étaient en difficulté sur Orléans. On n'était pas conscients de tous ces problèmes-là. Et quand on s'est baladé au centre-ville, on a vu qu'il y avait des personnes qui étaient sans abri, pourtant qui étaient bien habillées, mais qui n'avaient pas de toit et qui manquaient... qui mangeait pas peut-être dans la journée. Tous les jours. Ouais. Voilà. Et là justement, on a décidé de préparer des repas tous les samedis et dimanches à la gare d'Orléans pour leur distribuer. Ça veut dire que l'association a été créée il y a 4 ans, c'est ça? C'est ça exactement. Et donc pour vous, il y a 4 ans, il y avait un manque de solidarité manifester. Il n'y avait personne qui s'occupait en fait de ces gens-là. Si, forcément, il y a plusieurs associations qui aident ces personnes-là, bien entendu, qui font un travail formidable. Mais on va dire émanant des quartiers, peut-être on voyait pas cette solidarité, même si elle y est. Mais en tant qu'association, c'est un peu caché. Donc du coup, nous on a créé une association pour qu'il y a plus de monde qui puisse nous aider et bénéficier de repas et vraiment avoir un statut solide pour ça. Okay, c'est-à-dire que dans les quartiers, la solidarité se fait plus de façon naturelle, on va dire. Exactement. Il n'y a pas besoin de passer par une association pour aider son voisin. C'est ça, tout à fait. Bon. Et est-ce que vous avez aujourd'hui des partenaires? Alors quand je dis partenaires, c'est d'autres associations ou d'autres personnes sur lesquelles vous vous appuyez pour mener à bien vos actions? IMAD peut-être. Oui. Bah, l'idée c'est de travailler en consortium, donc on essaie vraiment d'être en complément avec d'autres associations. Donc ouais. On peut avoir la Croix-Rouge, par le biais d'actions qu'on met en place dans des foyers. Ça peut être aussi avec les maraudeurs du Coulibri, dédicace à Yves Baudard. Ouais, ça peut être aussi avec des associations issues des différents quartiers prioritaires, ouais. Comme l'AGELA, comme Passemploi, comme Habil. Voilà, l'idée c'est vraiment de travailler ensemble et de se compléter. Chacun a des connaissances et des compétences. Donc l'idée c'est, comme j'ai dit, c'est de travailler vraiment en consortium et d'essayer d'aider un maximum de monde. Donc voilà, nos partenaires sont divers et variés. Ouais. Et puis on essaie vraiment d'étoffer un peu aussi notre réseau dans le but d'aider un maximum de monde. Voilà. Et aujourd'hui, est-ce que, peut-être alors à vos débuts, est-ce que vous avez pris exemple sur une autre association qui existait pour vous structurer, non? On est allé un peu les yeux fermés. On connaissait pas forcément d'associations qui faisaient ça. Après, il y a plusieurs associations, des grandes associations sur Paris qui font ce genre de choses, des maraudes. Oui, il y a le SAMU social, il y a les Restos du Cœur. Exactement. Et après, on a un peu copié en se disant que, enfin, c'est la même chose, mais c'est le même but. On va dire c'est le même but. C'est un peu sur eux qu'on a pris exemple. Après, les maraudeurs du jeudi, on a beaucoup échangé avec eux au début, et voilà, ils nous ont dit les choses à faire, les choses à ne pas faire, et voilà, après, ça a donné ce que ça a donné. Bon, très bien. Ben, on passe peut-être à une autre partie de l'émission. On va parler un peu du fonctionnement de Coupe Fin, Coupe Froid. Qu'est-ce que vous en dites? Bien sûr. On est parti dans 2 minutes. Côté association, le jeudi de 14h à 15h sur Radio Arc-en-Ciel, une émission présentée par Fabien Dumas. Alors, coupe fin, coupe froid. Voilà. Non, mais j'ai dit 2 minutes, mais c'est 30 secondes en fait. D'accord. Hein, c'est le jingle qui est très court. Le fonctionnement de coupe fin, coupe froid, aujourd'hui, vous intervenez à quel moment de la semaine? Tu en as parlé, Ténéni, à la gare, mais alors ça se passe quand exactement? C'est tous les samedis et dimanches. On fait les actions plus précisément le week-end. C'est ouais. là où les bénévoles sont disponibles parce que le reste de la semaine ils travaillent. Du coup, ça se fait le samedi soir à 20h à la gare d'Orléans. Peut-être que vos auditeurs ils nous ont déjà vus à l'œuvre. Du coup, ça peut. Enfin, on récupère les plats chez des personnes, des donateurs, et ensuite on va directement au centre-ville où il y a déjà des bénéficiaires qui sont en train de nous attendre, et on leur distribue les repas. Et le dimanche matin, on intervient aussi au foyer Saint-Joseph, à côté de la cathédrale, où on a une autre équipe de bénévoles qui le matin, à partir de 7h du matin. Leur offre des petits déjeuners. Parce que je crois que dans ce foyer-là, les gens doivent partir une fois le matin arrivé, il faut que les gens partent. Quoi. C'est ça exactement, c'est un foyer où ils ne passent pas la journée à l'intérieur, en fait, c'est des hébergements d'urgence, c'est juste la nuit, je pense qu'ils rentrent à 20h et à partir de 7h, ils commencent à sortir et après ils errent dans les rues d'Orléans jusqu'au soir. Et pourquoi, on peut imaginer que c'est plus central, mais pourquoi la gare d'Orléans et pas un autre lieu stratégique dans le centre-ville? Parce que au début, quand on a commencé, déjà on savait pas où ils étaient répertoriés, donc ce qu'on a fait, on a fait une maraude mobile. On a commencé à partir un peu partout pour les rencontrer. On a rencontré quelques-uns et on a fini notre distribution à la gare. Et ensuite, on s'est dit. Au lieu de nous user à partir à leur rencontre, on va se donner un point central et on va leur dire de venir ici avec un rendez-vous tous les samedis et dimanches. Et ils ont compris le rendez-vous, ensuite ils se sont passés le mot. Et du coup, ça a donné ce rendez-vous-là, samedi, dimanche. Normalement, ça devait s'arrêter l'hiver 2014, mais vu qu'on a vu que les personnes... Pendant l'été ou pendant les autres saisons, c'était la même chose. Ouais. Donc, on a vu qu'on avait pris de l'influence par rapport à ce rendez-vous. Donc, on a décidé de continuer. Et oui, après, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et pourquoi pas continuer? Malheureusement, c'est une utopie. On aimerait arrêter, mais malheureusement, la précarité ne s'arrête pas. Bah ouais. Et c'est vrai que souvent, c'est ce qu'on se dit, les assos interviennent l'hiver parce qu'il fait froid, mais les gens mangent... Tout le temps en fait. Exactement, c'est ça. Donc, est-ce que au niveau des repas, vous avez parfois des demandes particulières? Parce que aussi, le temps du repas, c'est aussi un temps de convivialité, normalement, où on discute, on échange. Et est-ce que parfois, je crois, il y a des bénéficiaires qui vous disent, tiens, moi, j'aimerais bien manger ça la semaine prochaine? Ou est-ce qu'ils vous passent parfois commande pour se faire plaisir? Non, il y a des fois des demandes, mais c'est rare, parce que c'est là ce qu'on fait, nous, on se réfère, et surtout on compte sur les dons des habitants. Donc voilà, on se permet pas non plus trop de demander plus de la salade, ou plus du riz, ou plus des pâtes. Donc vraiment, c'est les personnes font leur plat, ce qu'ils souhaitent, et puis derrière nous on récupère. Donc voilà, après des fois c'est plus s'il y a trop de sel ou un peu moins de sel, ou un peu trop épicé ou un peu moins épicé. Mais voilà, après ça c'est chacun son palais gustatif. Donc voilà, on essaie de faire en sorte que de respecter aussi chacun, et puis d'essayer aussi de d'équilibrer, voilà. C'est ça. Et que ça soit, pas trop lourd. Très bien. Et est-ce que vous avez, vous, en tant qu'association, des ressources, je sais pas, un stock alimentaire, ou un stock de pâtes, ou un stock de soupe en briques, par exemple, ou des choses comme ça? On a un petit box, qui est implanté sur le quartier de l'Argonne. Donc on essaie vraiment de stocker tout ce qui est denrées alimentaires, et aussi quelques vêtements. Donc on essaie pas de trop stocker des vêtements, parce que ça peut être un peu compliqué. Essentiellement des denrées alimentaires qu'on stocke directement dans le petit box, dans des armoires, directement là-bas. Voilà. Et quand vous dites là que c'est des donateurs qui font les repas, alors ça se passe comment? C'est les habitants que vous connaissez, à qui vous demandez, qui préparent des repas, ou alors, vous avez déjà un réseau qui est constitué, j'imagine? On a un réseau, au fil du temps, en fait, au fur et à mesure, c'est des bénévoles qui restent présents, qui sont actifs, qui sont toujours présents, donc qui nous font des dons de repas. Après, voilà, on a aussi de nouveaux bénévoles, hein, y en a qui sont souvent là ponctuellement, ou assez souvent, donc c'est varié, c'est aléatoire, mais on a vraiment de bénévoles qui sont toujours présents depuis maintenant 2-3 ans. Et pour une distribution de repas le samedi soir, par exemple, combien de bénévoles vous avez besoin? Combien de plats? Ça représente combien en quantité de nourriture distribuée? Alors, au niveau des bénévoles, on peut être 5-6 bénévoles un samedi et un dimanche. Ouais. Après, en termes de quantité, vraiment, on essaie de se référer au nombre de personnes. Donc, généralement, ils sont entre une trentaine, une quarantaine. Quand même. Donc, on essaie vraiment d'aussi en amont prévenir la personne qui va nous faire un don de repas, d'expliquer le nombre de personnes, et puis on essaie de juger au niveau de la quantité. Voilà, ça dépend vraiment du plat qui est fait. Ça dépend vraiment du plat qui est fait, mais voilà, ça peut être des kilos de pâtes, un kilo de riz. Enfin voilà, c'est vraiment... Ça vous arrive d'avoir des restes le samedi soir? Alors l'idée, en fait, nous dans les maraudes, c'est aussi d'établir un lien avec les sans-abri. C'est de descendre, enfin d'aller vers eux, quitte à prendre une assiette avec nous et de discuter et manger en même temps. C'est vraiment de montrer qu'il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de, il y a pas ces préjugés. C'est vraiment de se poser, d'établir un lien, de comprendre un peu leur situation, de recenser un peu aussi leurs besoins et leurs problématiques, et essayer de faire en sorte de passer outre ça et de trouver des solutions à leurs problèmes. Après, pour répondre à votre question, c'est rare qu'on a des restes. Des fois, au contraire, il manque des plats. Et généralement, quand il y a des restes, des fois, ils ramènent des boîtes, et ensuite, on remplit leurs boîtes de tout ce qui nous reste pour qu'ils puissent manger le lendemain. Et ça veut dire que concrètement, est-ce que vous avez, vous, des plats pour mettre la nourriture, des réchauds pour que ce soit un peu chaud, ou c'est pareil, c'est les bénévoles qui fournissent leur vaisselle? C'est les bénévoles, encore une fois, qui fournissent leur vaisselle, et nous, on essaie de les récupérer juste avant notre maraude pour éviter de les réchauffer, et pour éviter d'attendre un petit peu, c'est directement servi dans la casserole. C'est une sacrée logistique, quoi. C'est une sacrée logistique, et ça va, on s'y fait depuis à peu près 4 ans, maintenant on est un peu habitué. C'est-à-dire que vous avez un véhicule adapté pour les distributions de repas? Un petit Kangoo. Un petit Kangoo. D'ailleurs, on remercie tous les bénéficiaires qui ont participé. On avait fait une cagnotte, et on avait eu beaucoup de dons, et on a pu acheter un Kangoo. Avec une cagnotte, vous avez pu acheter un véhicule. Mais bon, on parle de Kangoo, mais ça aurait pu être un partenaire. Depuis 2 ans avec nos propres véhicules. Ça veut dire que vous n'avez pas forcément d'aide aussi, vous sollicitez pas d'aide, je pense, à la banque alimentaire, parce que ils font des collectes régulièrement, ils ont un stock. Non, c'est, vous êtes simplement, vous, autonome sur la nourriture? Ça va, on est autonome, parce que le même principe qu'ils font, en fait, on fait un peu la même chose. On se pose de temps en temps, quand notre stock diminue, dans des magasins, pour justement récolter la nourriture. Et du coup, ça va. Vu que nous, on va dire qu'on essaye de pas trop avoir de stock. Et quand on a du stock, vraiment essayer de distribuer aux bénéficiaires, parce qu'on a une autre action, c'est pas que centrer vers la nourriture à Place d'Arc, c'est aussi des personnes en situation de précarité qui ont un abri, de leur proposer mensuellement un sac de denrées alimentaires pour éviter qu'ils en achètent un, des fois quand ils n'ont pas beaucoup de moyens. Très bien, ben, je pense qu'on va marquer une petite pause musicale, et puis après justement on va parler de cette action... Où là, on a plutôt parlé en début d'émission de coupe faim, on va peut-être plutôt parler du coupe froid, mais il n'y a pas que le froid. Je crois que vous intervenez aussi dans d'autres domaines pour aider les personnes. On va écouter tout de suite Le chemin est long, c'est la rumeur sur Arc-en-Ciel. A tout de suite dans Côté Association. Que des pieds de guenon, y a-t-il un coin d'air frais qu'ils n'ont pas piétiné? Reste-t-il une insulte qu'il n'est pas aboyé? Le bout de chair rose qui remue entre leurs dents leur sert-il à autre chose qu'à nommer noir le blanc, qu'à vomir du gitan ou d'échapper les musulmans, qu'à faire de la peur nos émoluments, qu'à baptiser de leur cul d'horribles monuments, qu'à s'accrocher au trône comme à une vache en diamant? De quel nouveau haillon vont-ils habiller les tours? Quel tapis de paille nous garde-t-il pour l'amour? De quel genre de frissons peuvent-ils être emplis quand ils étouffent la mort de Hakim Hajimi, Wissam El Yamni, Abdel El Jabri, Duke Luigi ou Jamal Germaoui? Ont-ils une idée de ce que ça coûte à l'âme de fuir sa terre sous la poussée des flammes, de revoir une photo comme on revit un drame dans la chambre aveugle d'un foyer sans femme? Ce qu'ils nous cachent encore, ce qu'ils nous montreront, eux ou d'autres parangons de raison, ce que nous acceptons, ce que nous refuserons. Le chemin est long. Quoi rêve ces gnomes quand ils lancent en Afrique des puits d'uranium, paraît-il démocratique? Est-ce les embruns des docks ou des hydrocarbures qui les font si ivres aux tables des dictatures? Combien d'hécatombes sont-ils prêts à signer dans les sables arabes des non-alignés? Combien de planches à billets faut-il faire crier pour que marche un empire sur des têtes sciées? De quelle nécrophilie sont-ils le symptôme? De quel cimetière réveille est-il les fantômes? Savent-ils tendre le bras en ouvrant la paume? Savent-ils qui nous sommes? Savent-ils ce qu'est un homme? Ce qu'ils nous cachent encore, ce qu'ils nous montreront, eux ou d'autres parangons de raison, ce que nous acceptons, ce que nous refuserons, le chemin est long. Ce qu'ils nous cachent encore, ce qu'ils nous montreront, eux ou d'autres parangons de raison, ce que nous acceptons, ce que nous refuserons, le chemin est long. Côté Association, le jeudi de 14h à 15h sur Radio Arc-en-Ciel, une émission présentée par Fabien Dumas. Et vous êtes bien sur Radio Arc-en-Ciel dans Côté Association, l'émission numéro 39 avec l'association Coupe Faim, Coupe Froid avec Tineni et Imad, mes invités, pour parler de cette association-là. On a parlé jusqu'à présent de la distribution de nourriture le samedi soir à la gare et le dimanche matin au foyer Saint-Joseph, mais vous n'avez pas que cette action-là, vous avez d'autres visées, j'ai envie de dire, pour aider les gens qui sont dans la précarité. Tu en as un peu parlé, Tineni, vous fournissez des vêtements également? Exactement. Dans l'association, elle a quatre pôles. Elle a le pôle alimentaire, le pôle vestimentaire, le pôle social et le pôle humanitaire. Là, on va parler du pôle vestimentaire. Dans le pôle vestimentaire, en fait, on récolte des vêtements. Mais là, pour ça, vu qu'on a un petit local, comme on a expliqué avant, le but c'est pas de récolter des vêtements que tout le monde nous ramène leurs vêtements. C'est surtout de quand il y a un bénéficiaire ou les bénéficiaires le samedi et le dimanche ou autres qui ont besoin d'une paire de chaussures où on a les tailles bien précises, froid à chaud, on essaye de passer un appel et ensuite généralement on les a assez vite et ensuite après le week-end précédent on leur donne. C'est-à-dire que vous répondez qu'ils ont vraiment aux besoins des personnes quoi. Personnellement, vu que l'avantage, comme il disait Imad, de descendre et de parler avec les bénéficiaires, c'est de pouvoir leur demander qu'est-ce qu'ils ont besoin réellement. On peut pas répondre à tout, bien entendu, mais on essaye, c'est l'essentiel. Et est-ce que vous avez besoin parfois de duvet, de sac à dos, de choses comme ça? Je prends un exemple. En 2015, on avait fait une collecte où on avait demandé un kit d'hiver. Et dans le kit d'hiver, il était composé de nattes de sol, il était composé de duvet, de bonnet, de gants. Et on avait demandé une somme d'argent. Et du coup, avec cette somme d'argent, on est parti dans un magasin de vêtements. Et on a acheté plusieurs vêtements justement pour composer ce kit-là. Et quand on voyait une nouvelle personne sans abri qui venait à nos distributions, on leur donnait directement ce kit-là pour qu'ils aient directement tout sur le kit. Et ça aujourd'hui, vous le faites encore au début de l'hiver de distribuer des vêtements Exactement, surtout les duvets parce que voilà, on le voit pas. Parce que c'est beaucoup caché, mais il y a beaucoup de personnes qui dorment sous les ponts, qui dorment dans la rue, à la gare. Il y a énormément de personnes. Et voilà, c'est pour ça que dans nos distributions, on nous demande beaucoup des duvets ou des couvertures. Ouais, Ima, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des enfants, par exemple, qui viennent parfois à vos distributions? Il y a quelques familles qui viennent directement à la gare. Mais ils sont prioritaires, je pense, par rapport à ce qui est foyer d'hébergement d'urgence. Ouais. Donc ils ont entre guillemets cette chance-là d'être hébergés pour les nuits. Mais oui, il y a aussi des enfants qui sont présents à nos distributions. Et donc vous avez, tu disais, Tinini, vous avez 4 pôles dans l'association. C'est ça exactement. Le pôle vestimentaire, ça on peut le voir en fonction peut-être des saisons et puis des demandes. Mais le pôle social, il consiste en quoi dans votre association? Alors, le pôle social, excusez-moi. Ça dans la gorge. C'est ça. Le pôle social, il est destiné à vraiment, comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est vraiment destiné à établir un lien avec les sans-abri, les personnes, de vraiment essayer de recenser tous leurs besoins et leurs problématiques, essayer aussi de, derrière, faire en sorte de les aider dans leur démarche administrative, de aussi de répondre, essayer d'aller se diriger vers les instances concernées, que ce soit tout ce qui est accès aux droits. Ça peut être aussi une recherche d'emploi, ça peut être refaire leurs papiers, enfin voilà, on essaie vraiment de travailler sur ça. Après, il y a aussi des actions qui se mettent en place dans un foyer de l'UDA qui est géré par la Croix-Rouge à Olivet. L'UDA, si on peut détailler pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas. L'UDA. C'est une colle. L'UDA, il est situé à Olivet, c'est ça? Ouais, à Olivet, j'ai oublié le. Bon, on cherchera l'UDA. Voilà, le vous pouvez taper sur internet, hein, on a tous la 4G, je pense. J'ai oublié, désolé. Voilà, mais c'est un foyer qui accueille des personnes demandeurs d'asile. D'accord. Voilà. Donc, on essaie de mettre en place des actions pendant les vacances scolaires. Ça peut tourner autour de tout ce qui est atelier culinaire. Ça peut tourner aussi autour du cinéma, des sorties à l'extérieur. En fait, vu qu'il y a aussi quand même cette barrière de la langue, l'idée c'est aussi de proposer des choses universelles qui parlent à tout le monde. Et qui peut aussi fédérer un maximum de monde, donc essentiellement des familles qui sont présentes dans ce foyer-là. Donc on essaie vraiment de continuer ce lien social à travers nos actions, à travers nos petits gestes. Voilà, c'est vraiment le but du pôle social. Et ça, vous le faites donc au foyer de l'UDA. Mais est-ce que vous avez un autre local peut-être dans d'autres quartiers d'Orléans? Après, on a déjà fait des actions avec les Azelco, avec Escale. Voilà, des fois c'est eux qui viennent vers nous, des fois c'est nous, on va vers eux. Mais voilà, c'est l'idée de toute façon, c'est on est dans le social, donc le pôle social existe au sein de l'asso, c'est tout à fait normal. Mais voilà, on a, comme j'ai dit tout à l'heure, on a pas mal de partenaires, donc le social touche. Voilà, tous les pôles, donc au final, plein de choses. Tous les aspects de la personne, mais voilà. Alors, c'est quoi les demandes qui sont le plus souvent, qu'on vous fait le plus souvent? C'est par rapport à l'emploi, c'est par rapport à l'hébergement, c'est par rapport aux aides qu'on peut avoir? Je pense, déjà, administrativement parlant, déjà, je pense que ça peut être compliqué. Pour après, nous, on ne touche pas vraiment à l'administratif. C'est vraiment aller à la rencontre d'autres associations qui eux sont plus centrées dans les dans l'administratif ou dans le vous aiguillez les personnes voilà on essaie d'aiguiller les personnes pour les envoyer vraiment avec les aux associations qui sont vraiment dans ce domaine là comme par exemple Passe Emploi Service. Dès qu'on a une personne qui a un problème par rapport lié à l'emploi, on le dirige vers cette association, on est partenaire. Après, des fois, il y a au cœur de la rue, quand il y a un mineur isolé ou quand il y a d'autres personnes, eux, ils sont plus dans les... elles gèrent beaucoup l'administratif. Et donc, voilà, on essaye d'aiguiller les personnes. Parce qu'on a essayé, mais quand on touche à tout, et en plus, nous, on ne demande pas de subvention, on n'a pas de subvention. Donc, du coup, c'est un peu compliqué d'aller sur tous les terrains. Et donc l'emploi, tu en parlais, Ima, tout à l'heure, parce que je crois que tu interviens aussi dans cette association-là, Passe Emploi. C'est ça. Une association qui est créée depuis 2013, qui est implantée aussi sur le quartier de l'Argonne. Et l'idée, donc, c'est de mettre les gens... C'est ça, nous, on travaille vraiment sur l'insertion professionnelle. Et du coup, on aide ces personnes dans leur démarche de recherche d'emploi, de formation ou de stage. Et du coup, la facilité qu'on a, c'est que, vu qu'on est pas mal à avoir des doubles casquettes, donc on peut vraiment faire ce lien-là, faciliter les démarches. Quand tu vois quelqu'un le samedi soir ou le dimanche matin, ouais, tu peux dans la semaine suivante... Voilà, je change de casquette et puis je suis Passe Emploi et puis j'essaie de vraiment d'aider, s'il le faut, les sans-abri par rapport et à est-ce que démarche. Vous avez des contacts avec les sans-abri la semaine via les portables ou pour les tenir informés? Tiens, j'ai un plan pour une formation, je t'ai calé un rendez-vous tel jour. Après, c'est un peu spécifique. On n'essaie pas trop de communiquer nos numéros de téléphone, on essaye, mais de prendre leur numéro de téléphone au cas où ça en a besoin. Ça, c'est surtout dans le cas s'il y a quelqu'un qui nous a demandé vraiment d'urgence d'avoir une couverture, parce que là en ce moment il commence à faire froid, et on essaie de répondre à son besoin rapidement. Donc on prend son numéro de téléphone s'il a un numéro de téléphone. Et après, par rapport à l'emploi, vu que c'est pas très loin au centre-ville et l'Argonne, ça reste dans Orléans, on leur donne rendez-vous le lendemain, parce que nos distributions des fois elles se font le dimanche. Donc le lendemain, ils peuvent être le lendemain ou dans la semaine d'après, ils peuvent être directement en contact avec la personne concernée comme Imad, ou sinon avec d'autres associations, des choix et des personnes qui veulent faire du sport. Donc on essaie quand même. C'est un peu difficile, mais on essaie quand même. Le fait de les voir, ouais, peut-être deux fois dans le week-end, ça peut être une solution. Voilà, après, on a cette chance-là, c'est assez bien desservi, donc voilà, ça nous facilite dans tout ça. Mais l'idée, c'est vraiment de diagnostiquer, de vraiment voir leurs besoins et pas de leur vendre du rêve et dire oui, on va t'aider à trouver un logement, on va t'aider. Oui. Voilà, mais c'est déjà de voir ce qui existe, de recenser un peu tout ce qui est organisme de droit et vraiment de pouvoir les aider derrière après si on peut. Mais d'ailleurs, comme il a dit Tina, c'est vraiment de créer des connexions. On connaît tel asso, on connaît telle structure qui peut aider sur ça. On le redirige vers là-bas et puis la mise en relation est faite tout de suite. Et j'ai vu qu'en début d'année, vous recherchiez de l'argent pour payer des nuits d'hôtel à des mineurs isolés. Ça fait partie aussi de vos objectifs, d'aider les familles ou les isolés, les mineurs isolés. Ça s'est fait spontanément. En fait, pour vous raconter l'histoire, on était lors d'une distribution, il y avait deux jeunes qui avaient l'air un peu perdus, qui étaient assis et qui n'osaient pas aller demander de la nourriture. Et du coup, nous, on pensait qu'ils n'avaient pas forcément besoin. Et à la fin, ils étaient un peu paumés avec beaucoup de sacs. Et on est parti les voir et on leur a demandé qu'est-ce qu'ils faisaient et pourquoi ils étaient dans cette situation-là. Et ils parlaient anglais et ils ont dit comme quoi... Il venait d'arriver, il venait d'Italie, et comme quoi, voilà, il savait pas où se retourner. C'était des mineurs, donc du coup, c'était pendant les vacances, donc le conseil départemental était fermé à ce moment-là. Donc voilà, on s'est senti un peu obligé. Concerné surtout, de leur proposer quelques nuits d'hôtel pour qu'ils se reposent, et en attendant de que le conseil départemental ouvre pour qu'ils puissent leur prendre le relais. Quoi. Ouais. Et donc vous parliez d'un volet dans l'association humanitaire. Alors ça se traduit comment ça au quotidien, ce volet humanitaire dans coupe froid, Tineni? Le volet humanitaire, on l'a développé il y a à peu près 3 ans. On s'est dit qu'on allait un peu partir au-delà d'Orléans. La première action, on l'avait fait au Sénégal. On avait demandé encore une fois des dons à la communauté orléanaise qui avait répondu présent. On avait récolté quand même une bonne somme. Et ensuite, on est parti aider. C'était un orphelinat, et on appelle ça des talibés, des personnes qui sont à la rue. Et du coup, on les avait aidés. On avait beaucoup aimé ce voyage-là, qui nous avait grave enrichi. Et on a décidé de faire un autre voyage. Celui-ci, il était en Mauritanie. Et justement, le projet s'appelait S'armer pour savoir, l'éducation pour tous. Le but, c'était de armer les enfants, justement, armés avec des stylos, des cahiers, voilà, tout ce qui est kit scolaire, pour qu'ils puissent étudier en bon uniforme dans leur pays et devenir avoir les outils pour bien étudier. Un peuple élevé, éduqué, c'est un peuple qui sait se défendre. Exactement. Si une personne réussit dans le pays dans lequel il est, on évite de le retrouver dans les flux migratoires. C'est sûr. On marque une pause quelques secondes, Imad. On va parler, on arrive à la fin de l'émission, doucement. On va parler de l'actualité, un peu de coupe faim, coupe froid, juste après ça. Côté association, Fabien Dumas, Radio Arc-en-Ciel. Alors, vous l'aviez dit, vous n'avez pas forcément de subventions, d'aide d'autres associations, mais voilà, vous avez quand même lancé une cagnotte litchi, je crois. Exactement. Oui. Pour acheter quoi ? Cette cagnotte litchi, je crois que son nom, c'est sur litchi, on tape / élan de solidarité et on tombe dessus. Exactement. Cette cagnotte, elle a pour but de nous aider pendant nos actions. Des fois, c'est l'essence pour notre véhicule, le loyer pour notre petit local, et des fois on a besoin justement d'acheter des denrées alimentaires parce qu'on n'a pas forcément de stock. Elle sert vraiment à beaucoup de choses, mais pour développer l'association, il faut forcément des dons financiers. Donc vraiment, on invite tout le monde a participé à cette cagnotte pour pouvoir consolider nos actions et pour pouvoir faire d'autres associations, pour pouvoir agrandir l'association et aider vraiment un maximum de personnes. Parce que vous auriez dans un avenir proche l'envie de multiplier les maraudes, les distributions de repas, un autre moment dans la semaine ou... C'est ça, exactement. Exactement. Vous savez, pendant un moment, il y avait beaucoup de bénévoles, même s'il y en a toujours. Et donc, du coup, tout le monde s'y prêtait au jeu par rapport au fait qu'on distribuait toute la semaine pendant les vacances, du lundi au dimanche, on faisait des maraudes tous les jours. Et ça marchait, on arrivait bien à faire... à faire les distributions, mais après le problème de l'essence pour chacun, parce que quand on a créé l'association, le vice-président, il avait 18 ans, moi-même j'avais 23 ans, donc du coup on était jeunes, on n'était pas forcément dans l'emploi, on était encore dans nos études, donc il fallait des dons pour nous aider à la logistique, à fonctionner comme chaque association. Bon. Et alors, ça serait vous iriez vers quel autre point stratégique dans Orléans pour faire un deuxième point de distribution? Essayer d'aller vers les foyers demandeurs d'urgence. Je pense qu'il y a plusieurs foyers sur Orléans où justement il y a les familles où il y a des familles ou une seule personne avec un enfant. Ça c'est ce point-là qu'on va essayer de faire, quoi. Bon, très bien. Et aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut vous aider? Vous avez besoin, vos besoins se situent à quel niveau? Est-ce que c'est des vêtements? Est-ce que c'est plutôt de la nourriture? Nos besoins, on va dire, pour le moment, c'est surtout financier. C'est surtout financier. Le reste, pour le moment, ça va. Le but, c'est pas vraiment d'avoir beaucoup de nourriture et ensuite ne pas savoir qu'en faire. Donc, pour le moment, ça, voilà, notre communication, elle est assez bien dans, sur ce point-là. Après, voilà quoi, toute personne qui souhaite participer est la bienvenue pour venir nous aider lors de nos distributions pour voir la précarité qu'il y a à Orléans. En effet, et du coup, pour chaque point de distribution, vous l'avez dit, je crois que c'est 5-6 personnes qui sont mobilisées pour la distribution. Exactement, c'est bien ça. Ouais. Et vous, ça, vous recherchez des bénévoles ou vous avez, pareil, des bénévoles dans l'association qui se relaient chaque week-end? C'est ça. On essaie de gérer les bénévoles parce que vous savez que dans le milieu associatif, nous, surtout entre jeunes, moins jeunes, il y a beaucoup de bénévoles. Donc, on essaie de gérer ça pour pas qu'il y ait encore trop de bénévoles. Donc pour le moment, par rapport à ça, ponctuellement, des personnes sont la bienvenue, ils peuvent venir participer, mais c'est pas vraiment dans ce but-là qu'on a besoin. C'est pas d'avoir 25 bénévoles chaque soir. Exactement. Bon, est-ce qu'on a oublié quelque chose d'important à dire? Peut-être de nous suivre sur notre page Facebook. Mmh. Association coupe fin coupe froid, vous tapez ça sur Facebook, sur Instagram et sur notre Snapchat Association CFCF et vous verrez notre actualité en direct. Pareil. Alors je pose la dernière question habituellement à mes invités. Si vous deviez diversifier vos actions, vers quoi vous iriez demain? Quand je dis demain, c'est dans un avenir. Moi je pense que c'est vers le sport. C'est vers le sport parce que certes les personnes ont besoin de s'alimenter, de s'hydrater, mais après vraiment avec le sport on peut partager des liens, il y a beaucoup de choses à communiquer. Ouais. Voilà, avec le sport c'est vraiment très bien quoi. Et toi Imad, ce serait quoi? L'accès à la culture. La culture? Ouais. La peinture, la musique, ouais, tout ça. Tout au sens ouais. large, ouais. Ouais, je pense. Je crois que ça ferait des personnes riches, hein, sportives et cultivées. Je pense, exactement. Oui. Eh ben, Imad et Teneni, je vous remercie beaucoup pour cette émission. C'est nous qui te remercions de nous avoir invités. À vous. Et puis, on vous suit sur les pages Facebook de l'asso Coupe Fin, Coupe Froid. Mm-hmm. Et puis, bon courage pour la suite. Et, parce que le travail va arriver, je pense, avec cet hiver. Exactement. Donc, bonne fin de journée. Puis, à très bientôt, parce qu'on se tient au courant si un jour vous avez besoin d'une demande particulière ou d'une info, voilà, vous avez un peu de comment faire passer, côté association est là aussi pour vous soutenir. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à merci vous aussi. Sur côté association, sur Arc-en-Ciel, on continue après ça. Côté association, Fabien Dumas, Radio Arc-en-Ciel. In the crib, ma. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. And if a get an attitude, pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Chandon and I'm all the best cause I got it going on. I'm a nice dude with some nice dreams. See these ice cubes, see these ice creams. Eligible bachelor, $1 million bow. That's whiter than what's spilling down your throat. The phantom, exterior like fish eggs. The interior like suicide wrist red. I can exercise you, this could be your phys ed. Cheat on your man, man, that's how you get a his ed. Killer with the B, I know killers in the street. With the steel to make you feel like chinchilla in the heat. So don't try to run up on my ear talking all that raspy shit. Tryna ask me shit. When my play your vest, they ain't gon' pass me shit. You should think about it, take a second. Matter of fact, you should take 4B and think before you fuck a little skateboard B. When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. And if a get an attitude, pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Chandon and I'm over best cause I got it going on. I'm a gangster, but y'all knew that. the big boss dog, yeah, I had to do that. I keep a blue flag hanging out my backside, but only on the left side. Yeah, that's the Crip side. Ain't no other way to play the game the way I play. I cut so much you thought I was a DJ. Two, one, yep, three. S-C and double O-P, D-go double G. I can't fake it, just break it. And when I take it, see, I specialize in making all the girls get naked. So bring your friends, all of y'all come inside. We got a world premiere right here, not get live. So don't change the diesel, turn it up a little. I got a living room full of fine dime bristles. Waiting on the pistol, the dizzle, and the shizzle. G's to the biz act, now ladies, see, we kiss her. When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. And if a get an attitude, pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Sean Don. And I'm over best cause I got it going on. I'm a bad boy with a lot of drive my own cars and wear my own clothes. I hang out tough, I'm a real boss. Big Snoop Dogg, yeah, he's so sharp. On the TV screen and in the magazines. If you play me close, you want a red beam. Oh, you got a gun, so you wanna pop back. AK-47, now stop that. Cement shoes, now I'm on the move. Your family's crying, now you on the news. They can't find you, and now they miss you. Must I remind you, I'm only here to twist you. Pistol whip you, dip you, then flip you. Then dance to this motherfucking music we creep to. Subscribe, get your issue. Baby, come close, let me see how you get low. When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. And if a get an attitude, pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Sean Don. And I'm over best cause I got it going on. Fabien Dumas présente Côté Association, une émission consacrée aux associations locales, le jeudi de 14h à 15h sur Radio Arc-en-Ciel, 96.2 FM. Et voilà, Côté Association aujourd'hui est terminé un peu plus tôt que prévu parce que mes invités avaient des obligations professionnelles et ça on peut le comprendre. Donc il est 14h46 sur Arc-en-Ciel. Je vous informe que la semaine prochaine, donc le jeudi 31 octobre, il n'y aura pas d'émission pour cause de vacances. Et oui, l'animateur prend des vacances, mais je vous retrouve le jeudi 7 novembre à 14h sur Radio Arc-en-Ciel. En attendant, on va écouter un petit peu de musique ensemble. On va écouter du Cinci Emilia, on va écouter Eddie De Preto, on va écouter du Zebda. Enfin voilà, bon, bref, on aura du bon son. Tout de suite, c'est Zebda, Les Petits Pas sur Arc-en-Ciel. Bienvenue dans Côté Association. Mais moi pour sortir de la mouise, et du boulet qui entravait mes guilles, pas torturé ma tête et j'ai pris mes chevilles. C'était danser ou être savant, bouger ses jambes pour les voir passer devant. L'une était Clyde et l'autre Pony pour éviter au tout pour la gorille. Des petits pas de danse, des petits pas de danse, funky. Des petits pas de danse, des petits pas de danse, funky. Des petits pas de danse, des petits pas de danse, funky. Des petits pas de danse, funky. Vu tout ce qu'il a fallu que j'enjambe, moi j'ai fait poser mes deux jambes. Et pendant des heures, en syncopé, sur Tam la Motam, j'ai dansé. On a pris la scène comme on voit le maquis, sans armer comme des Cherokees. Et pour se sortir du cachot, pas le choix, fait péter le show. Sur des petits pas de danse, des petits pas de danse, funky. Des petits pas de danse, des pas de star, funky. Des petits pas de danse, des petits pas de danse, funky. Des petits pas de danse, des pas de star, funky. Funky,

en harmonie. La FM en couleur. En couleur. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur.